Comprendre en allemand se dit verstehen, verstehen, verstehen. Stehen s'écrit S-T-E-H-E-N. En effet, en allemand, la combinaison de S-T se prononce Sht au début d'un mot, stehen. Stehen signifie être debout, et si on ajoute ver devant, qui s'écrit V-E-R, ça donne verstehen, qui veut dire comprendre. Verstehen. Alors, comment direz-vous nous comprenons? Wir verstehen. Ver. On avait vu que le V se prononce comme un F, comme par exemple von, de, qui s'écrit V-O-N. Alors encore une fois, nous comprenons, c'est wir verstehen. Oui, wir verstehen. Et comment diriez-vous nous, vous comprenons? Wir sie verstehen. Non, là, verstehen est le seul verbe de la phrase. Et il n'a pas à être placé à la fin. On a donc mot à mot, nous comprenons vous, c'est-à-dire wir verstehen sie. Wir verstehen sie. Très bien. Bien en allemand se dit gut, gut. Encore une fois, gut s'écrit bien G-U-T, mais le U allemand est prononcé U, donc gut. Encore une fois, gut, gut, oui, qui veut dire bien ou bon. Mais comment dirait-on très bien? Très se dit sehr, ça s'écrit S-E-H-R, sehr. Donc, très bien, ça sera sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bien, très bien, sehr gut. En allemand, certaines voyelles sont courtes et d'autres longues. À l'écrit, il y a deux façons d'indiquer une voyelle longue. On peut soit la doubler, soit ajouter un H derrière. Par exemple, sehr, qui signifie très, ça s'écrit S-E-H-R. Et donc, on prononce sehr. Sans le H, le mot deviendrait sehr. Mais avec le H, la voyelle est allongée et on a donc sehr. Dans certains mots, c'est en doublant la voyelle qu'on l'allonge. Par exemple, zé, zé, disé, ça s'écrit S-2-E. Disé signifie la mer, comme dans die Nordsee, la mer du Nord. Prenons un autre exemple de ces voyelles longues. Meer, meer, das Meer, qui veut aussi dire la mer. À vous, la mer, c'est das Meer. Das Meer, la mer. Ça s'écrit M-2-E-R. Meer. C'est une voyelle longue. Il y a un autre mot allemand qui se prononce comme Meer. C'est Meer. M-E-H-R. Ce mot veut dire plus, davantage. Les mots Meer plus davantage, M-E-H-R, et Meer, Meer, M-2-E-R, se prononce donc de la même manière. Revenons à sehr, S-E-H-R, qui veut dire très. Très bon, très bien, se dit sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Et c'est très bon, c'est très bien. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Bien. Es ist sehr gut. Donc, sehr gut, ça veut dire à la fois très bon et très bien. Comprendre. Comment dit-on comprendre? Verstehen. Verstehen. Stehen. C'est être debout. Stehen, être debout. Et verstehen, comprendre. Donc, nous comprenons se dira wir verstehen. Bien. Ver s'écrit V-E-R. Et le V se prononce toujours comme un F. verstehen. Wir verstehen. Comment diriez-vous nous ne comprenons pas? Wir verstehen. Wir verstehen. Wir verstehen nicht. Nicht. Nicht. Wir verstehen. Wir verstehen nicht. Comment direz-vous nous ne comprenons pas cela? Nous ne le comprenons pas. Wir verstehen es nicht. Bien. Wir verstehen es nicht. Nous ne vous comprenons pas. Wir verstehen sie nicht. Sie nicht. Revenons à je. Comment dit-on je? Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Et ne pas? Nicht. Nicht. Bien. Maintenant, dites-moi encore une fois, nous ne vous comprenons pas. Wir. Wir verstehen. Wir verstehen sie nicht. Bien. Wir verstehen sie nicht. Comment direz-vous? Nous ne vous comprenons pas très bien. Wir verstehen sie nicht. Très bien. Sehr gut. Gut. Le U allemand est comme un U. Allongez bien le son. Gut. Gut. Oui. Gut. Reprenons. Nous ne vous comprenons pas très bien. Wir verstehen sie nicht. Nicht. Nicht sein gut. Nicht très. Très bien. Nicht sehr gut. Bien. Wir verstehen sie nicht sehr gut. Comment demanderiez-vous à quelqu'un « Est-ce que vous comprenez ? » Comprenez-vous ? Là, vous posez une question. Verstehen Sie? C'est ça. Verstehen Sie? Et comprenez-vous cela? Verstehen Sie es? Verstehen Sie es? Et maintenant, comment dira-t-on vous me comprenez? Ici, me se dit mich. Mich. Reprenons. Nous avons ich avec le son ch. Ich. Maintenant, ajoutez un M devant et vous obtenez mich. Alors, comment dit-on me? Mich. Mich. Mich. Et alors, vous me comprenez, ça donne? Sie verstehen mich. Bien. Sie verstehen mich. Et maintenant, vous posez la question, me comprenez-vous? Comme à chaque fois qu'on pose une question, il suffit d'inverser Sie et verstehen. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Ce à quoi vous pouvez répondre, je vous comprends très bien. Je comprends. Ich verstehe Sie. Oui, ich verstehe Sie. Et très bien, se dit. Sehr gut. Bien. Ich verstehe Sie sehr gut. À moins que vous ne répondiez, je ne vous comprends pas. Ich verstehe Sie nicht. Oui. Ich verstehe Sie nicht. Et je ne vous comprends pas très bien. Ich verstehe Sie nicht sehr gut. C'est ça. Ich verstehe sie nicht sehr gut.